blessé au tankou de ti bébé qui n'a même berceau. Malgré misère ou passé, malgré mépris, moi trouvé, moi toujours avec vous. Parce que m'connais si m'perdu ou m'a con sa poil trouvé, c'est ça que ferme la peine. Chaque fois m'gade ou chéri, tout comme moi frissonné. Moi senti m'ta serré jusqu'à ce que on craque. Moi remè ou en pile chéri, et m'con en remè m'tout. Mais joujou vin sauvé.